Notre cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Puisqu'aujourd'hui nous parlons du capitalisme, il est nécessaire de nous équiper d'un petit sac de cuir, un petit sac qui peut être en vérité de n'importe quelle étoffe, tissu précieux ou toile de jute. Maintenant, nous allons placer un cordon sur ce petit sac afin de pouvoir le fermer, un simple lacet fera l'affaire. Les plus coquets vont décorer leur petit sac avec des perles et des rubans, avec des pierreries et des colifichets. Dès lors, l'objet devient bijou, œuvre d'art que nous plaçons à la ceinture, accroché à la boucle. Mais un sachet vide n'a pas grande utilité, même s'il est joli. Nous mettons alors quelques piécettes et voici que le petit sac se transforme en bourse. Il prend dès lors une ampleur inattendue. Cette bourse contient notre richesse, notre fortune, celle qui nous sert à acheter, à échanger, à commercer. Elle devient le lieu où se concluent les transactions sur les valeurs, les actions, les cotations. Le petit sac de cuir joliment décoré est devenu un monstre de la finance. Puisque nous nous plongeons dans l'histoire du capitalisme, il fallait bien parler de la bourse, il fallait aussi parler d'art. Oui, car tout s'échange. Cette semaine, dans le cours de l'histoire sur France Culture, capitalisme. Qui es-tu? Capitalisme. D'où viens-tu? Des émissions à réécouter sur le site internet Le Cours de l'Histoire, franceculture.fr ou bien en podcast. Nous avons cherché en début de semaine s'il était possible de trouver une date de naissance au capitalisme. Mais non, ce n'est pas possible. Mais il y a des processus à analyser. Nous avons écouté aussi Thomas Piketty qui nous expliquait comment des discours ont été créés à travers les siècles, à travers les civilisations, pour justifier les inégalités. Et aujourd'hui, nous allons parler des clichés capitaux du capitalisme, comment le capitalisme a produit des images, comment les artistes ont pu s'emparer de ces images, par exemple, pour critiquer le capitalisme. Et pour parler d'une forme très particulière des images qui ont été produites au début du XXe siècle sur le capitalisme, nous vous recevons Juliette Rennes. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne et sociologue, maîtresse de conférences à l'École des hautes études en sciences sociales. Alors, Juliette Rennes, vous vous êtes intéressée à un objet particulier, ce sont les cartes postales. Oui, en effet. Alors, je ne sais pas si c'est directement une production du capitalisme, mais je me suis intéressée en tout cas à l'explosion de la production des cartes postales à la fin du 19e siècle. Et ces cartes postales représentent des femmes. Vous venez de faire paraître, c'est un article dans la revue d'Histoire moderne et contemporaine, un article intitulé « Femmes en métier d'hommes ». Femmes en métier d'hommes, récit de la modernité et usage marchand du féminisme dans le Paris de 1900. En fait, c'est la suite de votre travail, ou c'est un élément de votre travail, de cet ouvrage que vous publiez, Juliette Rennes, Femmes en métier d'hommes, à partir des cartes postales de 1890 à 1930. Oui, il y avait des femmes représentées en métier d'hommes, et ça avait un grand succès en fait. Ça plaisait. Oui, ça avait un grand succès, et j'essaye de comprendre les ambivalences de ce succès. Et puis nous allons faire un petit tour à la Maison Populaire de Montreuil. En réalité, nous avons ici, présents en plateau, dans le cours de l'histoire, les deux commissaires d'une exposition intitulée « Juste, fais-le ». Tous ceux qui ont déjà croisé une publicité auront reconnu la référence. Marie Cor, bonjour. Bonjour. Vladimir Demoule, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes tous les deux commissaires de cette exposition. Ici sont les dragons. En fait, c'est une exposition en trois parties. Expliquez-nous un peu comment ça s'est construit, cette exposition, Marie Cor. Oui, voilà. En fait, c'est une résidence d'un an où on a été invité donc à la Maison Populaire de janvier à décembre pour développer un cycle d'exposition donc qui se développe en trois chapitres. Le cycle s'intitule Ici sont les dragons voilà. Donc on va avoir ces trois chapitres d'exposition qui reprennent chacun pour titre un slogan de publicité de multinationale. Voilà. Et donc il y a beaucoup à dire parce qu'effectivement les artistes contemporains, mais on pourrait tracer ça sur le temps très long, se sont emparés des éléments du capitalisme pour critiquer le capitalisme. En fin d'émission, nous retrouverons Anaïs Quien qui programme l'émission, qui assure la programmation du cours de l'histoire. Anaïs Quien avec son journal de l'histoire, mais pour le moment, un hymne féministe, un hymne écrit en 1848, donc juste après la Révolution, par Louise de Chaumont. Attention, ce n'est pas rien, c'est chanté par Germaine Montereau, c'est la Marseillaise des Cotillons. Les tyrans portant culottes, femme, notre jour est venu. point de pitié, mettons en vote tous les torts du sexe barbu, tous les torts du sexe barbu. Voilà trop longtemps que ça dure, notre patience est à bout. Debout, Vésuvienne, debout, et lavons notre vieille injure. Liberté sur nos fronts, verse tes chauds rayons. Tremblez, tremblez, marée jaloux, respect au cotillon. Respect aux cotillons, on le dira jamais assez, c'est la Marseillaise des cotillons. Juliette Rennes, c'est vrai que le mouvement féministe existe tout au long du 19e siècle, on l'associe souvent au début du 20e siècle ou la fin du 19e, mais c'est un mouvement sur le long terme qui transparaît de manière parfois étonnante. C'est ce que vous avez étudié, en tout cas essayé de comprendre, des cartes postales qui représentent des femmes en métier d'homme. Vous pouvez nous décrire à quoi ressemblent ces cartes postales ? Oui, alors elles sont effectivement éminemment liées à l'émergence du féminisme, même si certaines sont très antiféministes, on y reviendra sans doute. Elles sont. Ce qui m'a intéressée, c'est la conjoncture entre ce phénomène qui est la structuration, alors même si, comme vous l'avez rappelé par cette chanson de 1848, il y a une histoire déjà assez longue à l'époque du féminisme et qui remonte en particulier à la fin du XVIIIe siècle, au tournant du XIXe siècle. Ce qui est intéressant à la fin du XIXe siècle, c'est la structuration à travers des associations, des journaux, des débats parlementaires autour des droits des femmes et en même temps, parallèlement, le développement de la culture de masse et d'une culture visuelle de masse. Et ce qui m'a intéressée, c'est le croisement de ces deux éléments, donc des changements dans les rapports de genre portés par les luttes féministes et d'autre part ce développement massif d'une culture visuelle par les cartes postales qui est lié à une diversité de phénomènes qui est lié aux transformations de l'imprimerie, développement du chemin de fer, etc. et qui fait que on a une massification et liée à la scolarisation aussi, c'est-à-dire l'élargissement du public qui écrit et lit de cet outil de communication et de représentation qu'est la carte postale. Oui, Juliette Rennes, vous avez raison de contextualiser en fait ce phénomène dans tout ce que cela entend de progrès technique. Il y a un progrès technique, ne serait-ce que la photographie, qui permet une diffusion massive d'images et surtout le progrès technique de la reproduction de ces photographies. C'est le cas de la carte postale qui explose, hein, vraiment, année 1890-1900. Nous connaissons ça, nous avons tout ça dans les armoires. Quand on regarde dans les vieux tiroirs, on en trouve, ou dans n'importe quel vide-grenier, il y a des cartes postales. Et celles qui vous ont intéressé, ce sont celles donc qui représentent ces femmes en tenue de femmes. Elles sont en robe, en train d'exercer un métier d'homme. Quel métier elles exercent ? Alors, il y a plusieurs types de cartes postales. Il y a des cartes postales de reportage qui donc documentent, même si ce sont des reportages très largement mis en scène, qui documentent l'accès des femmes à des métiers d'hommes. Donc, c'est un peu l'axe que j'ai choisi pour cet article, le livre que vous avez cité. Il y a parmi ces métiers d'hommes des métiers qui s'exercent dans la rue et qui, pour cette raison-là, ont attiré beaucoup de badauds et de spectateurs. Donc, c'est les premières afficheuses, cochères, chauffeurs, chartières, et puis des métiers qui s'exercent dans des espaces plus confinés, les premières doctoresses, médecins, enseignantes à l'université, scientifiques, dont on a gardé quelques figures, mais quelques figures célèbres, hein, Marie Curie, etc. Mais je me suis justement intéressée à celles qu'on a oubliées et qui ont connu à l'époque une célébrité. Oui, elles sont intéressantes, ces cartes postales, parce que on les connaît, elles sont souvent accompagnées d'un titre, hein, qui est imprimé sur la photographie. Alors, par exemple, on va trouver en 1800 une carte postale intitulée « Paris féministe, les nouvelles professions pour femmes ». Colleuse d'affiches. Voilà. 1900. Ouais, ah, ouais. Bah écoutez, je vois 1908, mais. Oui, 1908. D'accord. 1908 sur. J'ai entendu sur 1800, pardon. Ah non, pardon, j'ai peut-être fait un petit lapsus. Et sinon, il y en a une autre que j'adore de 1907. Alors là, c'est Madame Dominée, appariteur, partant de la mairie pour coller des affiches, âgée de 85 ans, toujours vive et alerte, appariteur de la commune depuis de longues années. La commune, c'est Vivier Aucourt, et elle est sans doute la doyenne des appariteurs de France. Il y a un intérêt pour ces femmes qui exercent un métier d'homme. On le voit ici pour les colleuses d'affiches et puis pour l'appariteur, nous sommes à l'extérieur. La femme a un univers qui se développe souvent à l'intérieur, dans la maison, dans l'appartement. Là, on est souvent à l'extérieur. Oui, c'est un des éléments qui m'a intéressée. C'est qu'on associe souvent l'accès des femmes à des métiers dans l'espace public urbain à la Première Guerre mondiale et aux figures des remplaçantes des hommes partis au front, donc qui ont investi tout un tas de métiers liés à l'entretien de l'espace urbain, au transport, etc. Mais si on remonte une dizaine d'années avant la Première Guerre mondiale, il y a cette émergence, alors, de femmes dans des métiers d'hommes dans la rue, mais les femmes travaillaient déjà dans la rue. Évidemment, il y avait beaucoup de métiers qui étaient des métiers de vente dans la rue, et notamment les métiers les plus précaires, de vendeuses à la sauvette, de toutes sortes de choses, mais aussi les vendeuses sur le carreau des halles ou les vendeuses de fruits et légumes, qui étaient des figures féminines populaires. Mais ce qui est nouveau, c'est l'accès des femmes à ces métiers qui étaient vraiment entièrement masculins. C'est-à-dire que j'ai étudié les statistiques du recensement par profession, et on est dans des corporations pour les afficheurs, les cochers, les chauffeurs, où il y a quelques femmes pour 20 000, 30 000, 40 000 hommes. Oui, ce qui est quelque chose d'intéressant à mettre en écho avec la réalité de la vie des femmes, parce que quand vous évoquez Juliette Rennes, ces afficheuses, nous sommes dans une forme de mise en abîme. C'est-à-dire que la carte postale produite par un imprimeur qui est afficheur représente une afficheuse. Et dans cette mise en abîme, on va écouter un témoignage d'un personnage très intéressant, parce qu'on sent qu'il est au centre de cette réflexion. Allez, comment on pourrait le qualifier? C'est un publicitaire, c'est quelqu'un qui fait de la publicité, qui vend de l'espace et qui crée aussi les publicités. Il s'appelle Raoul Gabert, et en 1909, Raoul Gabert donnait une contribution à un ouvrage intitulé « La publicité lucrative et raisonnée, son rôle dans les affaires ». Et nous allons écouter ce que disait en 1909 Raoul Gabert à propos de son féminisme. Ce texte nous est lu aujourd'hui par Xavier Martinet. Je dois l'avouer, malgré mon féminisme sincère, l'afficheuse est une pure publicité. Au point de vue sèchement commercial, l'afficheuse est un non-sens. Deux femmes sont nécessaires pour porter l'échelle et le pot-à-colle qu'un seul homme emporte aisément. Or, elles gagnent chacune presque autant que l'afficheur. Concluez. Mais c'était une réclame fantastiquement bon marché. Les quatre afficheuses que j'ai employées, je n'en ai jamais eu une de plus, ont produit une sensation extraordinaire. Avec leurs polos coquets et leurs longues blouses de toile bien blanches, elles forcent l'attention partout où elles passent. Et lorsqu'elles collent une affiche sur un de mes cadres, il se produit aussitôt autour d'elles un véritable rassemblement. Puis tous les grands journaux du monde entier m'ont fait à leur sujet une magnifique réclame gratuite. Juliette Rennes, est-ce que vous pouvez nous présenter ce personnage de Raoul Gabert? Qui est-il? Il est intéressant parce qu'il dit qu'il utilise les femmes comme moyen de publicité pour faire parler de lui, mais malgré tout, il a une action qui milite en faveur du féminisme. Oui, alors c'est là aussi un des témoignages de l'ambivalence que j'évoquais au départ dans le rapport entre féminisme et secteur marchand. Effectivement, j'ai d'abord cru, à partir des archives et à partir de documents aussi que m'avait fourni un collègue, Alban Jacquemart, qui travaille sur le féminisme à cette époque-là, que Gabert, en fait, était un féministe convaincu et qu'il utilisait son métier de publicitaire pour promouvoir ou pour faire la propagande, comme on disait à l'époque, de la cause des femmes. Mais c'est vrai que, par exemple, à la veille de la Première Guerre mondiale, en 14, il héberge dans ses locaux une réunion de suffragistes et il diffuse des affiches dans Paris pour la cause féministe. Donc il est effectivement, il soutient par son métier d'entrepreneur et le fait qu'il est lié à un métier qui permet la propagande, la cause féministe. Mais ce qui m'a troublée dans le texte que vous avez cité, que j'ai trouvé un peu plus tard dans d'autres archives, c'est qu'il évoque les usages marchands et sa motivation marchande dans la mise en valeur de ces femmes exceptionnelles en métier d'homme. Et ce qui est intéressant et troublant aussi dans cette citation, c'est que on voit que son féminisme a des limites par rapport aussi à d'autres discours féministes de l'époque, puisqu'il dit, bon, en gros, il adhère au discours de l'époque comme quoi coller des affiches n'est pas un métier de femme, parce qu'il aurait besoin de deux femmes pour coller ces affiches, alors qu'un seul homme suffirait, donc c'est pas rentable. Mais en fait, c'est parce qu'il a aussi choisi un certain type de femmes, des femmes très jeunes, très jolies, inexpérimentées, alors que beaucoup de féministes de l'époque pourraient dire, mais attendez, les femmes porteuses de pain, cultivatrices, il y a tout un tas de femmes qui font des métiers de force à l'époque, et que les féministes utilisent pour dire, bah, vous savez, il n'y a pas de métier d'homme, de femme, ça dépend de la corpulence, de l'exercice, de l'entraînement, etc. Donc lui ne veut pas démontrer par l'emploi de ces femmes que les femmes sont capables de, mais plutôt utiliser leur exceptionnalité dans des métiers d'hommes. Et c'est pour ça que je dis que son féminisme a certaines limites. Il n'est pas dans une démarche de démonstration ici de la capacité des femmes. Juliette Rennes, vous êtes historienne, sociologue, et j'ai bien aimé votre approche parce que l'historien travaille avec des sources. Donc vous, historienne, vous avez des sources. En l'occurrence, ici, ce sont des cartes postales, mais pas seulement. Vous avez tous les discours associés à ces cartes postales, beaucoup d'articles de presse, ça fait énormément parler dans la presse. Vous donnez aussi comme limite à votre étude le fait de ne pas trouver certaines sources. C'est le cas notamment des archives de l'entreprise de Monsieur Gabert. Et puis, il y a ce moment où, historienne, vous posez la question, qu'est-ce qui se passe dans ça? On ne peut pas savoir. Et ça, c'est aussi la limite, et c'est intéressant dans la démarche épistémiologique un peu de l'historienne ou de l'historien, de se dire, on est avec des êtres de chair, de sang, qui pensent, mais s'ils ne laissent pas de traces, comment comprendre leur action? Comment vous faites? Comme tous les chercheurs, je confronte plusieurs sources, je fais des hypothèses, je montre aussi les erreurs que j'ai parfois pu faire dans les interprétations, puisque, par exemple, les premières images, et ça montre aussi que les images sont des sources trompeuses et qu'il faut toujours les confronter à d'autres sources. Les premières images que j'ai eues de ces afficheuses, c'est des chars qui défilent dans Paris. À l'époque, en février, il y avait une des festivités de la Mi-Carême avec des chars par profession notamment, et je voyais le char des afficheuses de Gabert avec j'ai vu ces cartes postales, plusieurs, avec une quarantaine d'afficheuses sur les chars, habillées avec leurs vêtements professionnels, et donc j'en avais déduit un peu trop rapidement que, en fait, Gabert avait embauché une quarantaine de femmes dans un métier, comme je disais tout à l'heure, entièrement masculin. Et donc, j'étais impressionnée par ce volontarisme à embaucher des femmes. Et puis, dans une autre partie du texte que vous avez cité, il explique qu'il n'a jamais embauché plus de 4 afficheuses et que ces femmes sur les chars étaient des figurantes, donc des comédiennes, incarnant des afficheuses pour, là encore, utiliser la fascination du public pour ces figures de femmes avec des casquettes masculines, avec des blouses, et évidemment, faisant la promotion de la marque Gabert, puisque le nom de Gabert était figuré sur tous ces éléments de leurs vêtements et de leurs attributs professionnels. Donc, nous avons ici un mystère, on ne sait pas pourquoi vraiment, mais on sent qu'il y a du calcul commercial. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture, comment le capitalisme produit de la publicité qui produit des images et comment les artistes s'emparent de ces images, souvent pour critiquer le capitalisme. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Juliette Rennes, femmes en métier d'homme, carte postale 1990-1930. C'est vrai que la période est fascinante parce que quand on va dans 1930, on sent que nous partons déjà dans un autre monde par rapport à 1890, mais vous touchez ce moment fascinant de la belle époque, celui où il y a une volonté de construction d'un discours féministe, d'un discours qui existait auparavant. Les femmes ont toujours eu une place dans la société, elles ont toujours eu une place également dans la littérature. Nous allons faire un petit tour au Bonheur des Dames. Alors, le Bonheur des Dames, ça se passe sous le Second Empire, mais Émile Zola, l'auteur, est rusé en fait. Il écrit en 1883, il représente la société de ces années 1880, donc petit tour au Bonheur des Dames, dans un film d'André Cayatte en 1943. Mon rêve s'est enfin réalisé. Regardez-moi ça, Bourdoncle. Le plus grand magasin d'Europe. Au Bonheur des Dames. C'est un vrai palais. On n'aurait jamais pensé qu'il puisse y avoir des magasins aussi grands. Et on vend tout. Le rayon quincaillerie, je vous prie. Le quincaillerie au sous-sol, madame. Merci, monsieur. Le dentelle. Dentelle au rez-de-chaussée, madame. Vous cherchez quelque chose, mademoiselle ? Non, je regarde simplement. Eh bien, regardez, mademoiselle, regardez tout à votre aise. Au Bonheur des Dames, les clients sont chez elles. Dans les magasins, le magasin en l'occurrence, c'est le Bonheur des Dames, par Émile Zola. Dites-nous, Juliette Rennes, le Bonheur des Dames, c'est ce Paris qui se transforme, ce Paris haussmannien. C'est une ouverture complète, en l'occurrence là c'est le commerce, mais il y a les communications qui se développent, le chemin de fer pour se déplacer, mais la poste aussi, et puis il y a le télégraphe. Comment s'inscrit le féminisme que vous avez étudié dans ce changement de contexte? Ça apparaît à travers les cartes postales, parce que colleuse d'affiches, on dirait, wow, c'est un métier qui est un peu en marge. Est-ce qu'on trouve plein de métiers différents? Est-ce qu'on est juste en marge avec ces femmes en métier d'homme? Ou alors on sent qu'un pas est avancé avec l'industrialisation et la transformation de la ville? Alors déjà, l'extrait que vous avez cité est intéressant aussi sur les changements de la ville comme espace de consommation féminine. C'est par exemple un élément qu'a étudié l'historienne Léo Hauslander, comment notamment pour les femmes de la bourgeoisie qui sont largement assignées à l'espace domestique, sortir dans la ville avec le prétexte de consommer ou en tout cas de flâner dans des espaces liés au commerce et notamment dans le bon marché ou dans cet espace du Bonheur des Dames qui en est inspiré chez Zola, est aussi un moment évidemment qu'on pourrait voir aujourd'hui comme un moment d'aliénation au commerce, mais qui est aussi pour les femmes de la bourgeoisie un moment d'émancipation au sens où en tout cas un moment d'exploration de l'espace urbain où on peut flâner avec un prétexte, alors que les femmes de la bourgeoisie en avaient moins que les femmes de classe populaire qui travaillaient déjà et qui circulaient tous les jours pour exercer des activités. Donc il y a effectivement cette transformation des usages genrés de l'espace urbain qui est liée aux grands magasins en particulier, et évidemment les femmes aussi de la bourgeoisie. Donc je disais, les femmes de classe populaire ont toujours travaillé, que ce soit dans l'industrie, là je parle de la ville, hein, ou dans les petits ateliers, dans les commerces, et dans la domesticité, bien sûr. Ce qui est nouveau dans les usages genrés de l'espace urbain, c'est aussi l'apparition de femmes bourgeoises exerçant des métiers diplômés, alors de façon marginale, qui sont des métiers traditionnellement de la bourgeoisie masculine, et je citais tout à l'heure les médecins, enfin donc les doctoresses comme on les a appelées à l'époque, les avocates et les enseignantes ou les chimistes, hein, par exemple, qui apparaissent au début du XXe siècle, sont des métiers de bureau ou de laboratoire ou dans des institutions, mais qui impliquent que des femmes circulent en tant que travailleuses dans l'espace urbain. Juliette Rennes, c'est pertinent d'associer ces professions liées à l'élite intellectuelle, que ce soit l'avocat, que ce soit le médecin, et puis la profession plus populaire, la colleuse d'affiches, parce qu'en vérité, c'est le même mouvement. C'est-à-dire que dans ces années 1890-1900, on voit les femmes arriver doucement dans le métier d'homme. On sait que c'est complètement marginal, mais malgré tout, l'idée apparaît. Quels sont les débats que cela provoque? Parce que dans la presse, il y a énormément d'articles. Est-ce qu'on est sur la moquerie? J'imagine qu'il y a un peu de ça. Est-ce qu'on est sur la curiosité? Ça, c'est une certitude. Quand on voit les cartes postales, il y a toujours plein de badauds autour de la colosse d'affiches. Ou est-ce qu'on est dans l'idée que c'est l'amorce de quelque chose qui va se poursuivre? Alors, il y a de grandes distinctions, justement, selon les domaines. Vous avez distingué les métiers des femmes de classe populaire, les métiers des femmes de la bourgeoisie. Il y a des grandes différences de perception selon les appartenances de classe et selon aussi les hommes, et la propre appartenance de classe des hommes qui portent des regards sur ces femmes. L'accès des femmes au métier du barreau et à la médecine est directement lié à des mobilisations féministes très structurées qui passent par du lobbying, pour employer un terme anachronique, des pétitions, des relais au Parlement, des débats dans la presse et au Parlement, des mouvements au sein, par exemple, de la faculté de médecine, chez les internes, pour savoir si les femmes, donc des contre-mobilisations contre l'accès des femmes à l'internat de médecine à la fin des années 1880. Au barreau, il y a aussi d'énormes débat et un débat parlementaire fameux à l'époque avec des interventions très virulemment antiféministes. Et ces mêmes hommes qui, en fait, alors il y a des hommes féministes, mais il y a beaucoup d'hommes aussi qui sont inquiets par cette concurrence nouvelle de femmes dans des professions très concurrentielles et qui sont la marque de leur identité de genre et de leur identité sociale. Donc ces mêmes hommes qui sont hostiles aux avocates et doctoresses peuvent être beaucoup plus bienveillants avec les cochères et afficheuses qui ne mettent pas du tout en concurrence leur statut social puisqu'elles exercent des métiers qui sont des métiers des hommes de classe populaire et trouvaient tout à fait charmant d'être conduit par une femme cochère dans Paris, surtout si elle est jeune, ou de voir des afficheuses debout sur des échelles et de pouvoir les reluquer. Et c'est vraiment presque dit comme ça que Paris est plus charmant depuis qu'il y a ces colleuses et ces cochères. Alors que les hommes de classes populaires qui, eux, sont beaucoup plus menacées par cette mixité inédite, peuvent avoir des attitudes, à leur tour, beaucoup plus hostiles, et beaucoup de cochers provoquent des accidents volontaires contre les cochères, des accidents malveillants. Elles se font énormément insulter, les afficheuses aussi, parce qu'elles prennent un métier d'homme et qui va repriser les chaussettes du mari. C'est une phrase qu'on entend souvent et qu'on n'adresse pas à d'autres femmes qui travaillent et qui exercent des métiers spécifiquement féminins, comme les couturières, etc. Donc c'est pas le fait qu'elles travaillent, mais qu'elles accèdent à des privilèges des activités masculines. Juliette Rennes, ces femmes en métier d'homme, nous voyons, provoquent des débats, souvent des débats portés par des hommes. Ont-elles laissé des témoignages? Est-ce que vous avez pu entendre leurs paroles? C'est une bonne question. Déjà, j'ai cherché dans ces archives visuelles, dans toute cette masse de milliers d'images qui ont été produites autour d'elles, celles qui correspondaient davantage à des mises en scène qu'elles contrôlaient d'elles-mêmes, c'est-à-dire on voit qu'il y a des images qui sont moins moqueuses, où les femmes se présentent à l'instar des hommes dans les portraits professionnels de l'époque, dans la dignité de leur rôle professionnel. Et ces images sont très distinctes des photographies satiriques qui, soit par des sous-titres ironiques qui disqualifient ce qui est représenté, soit par, pour les images satiriques, des costumes ridiculisants, etc., les disqualifient. Et ensuite, j'ai aussi traqué la trace de leurs paroles dans les entretiens dans la presse. Mais évidemment, on a plus, comme toujours, accès à la parole des femmes diplômées de la bourgeoisie qui ont contribué pour certaines à la presse féministe. Les avocates étaient des grandes contributrices de cette presse féministe, que à la parole des cochères ou des afficheuses, qui est toujours une parole rapportée par dans le cadre d'entretiens, par exemple dans la presse. Juliette Rennes, femme en métier d'homme, ce sont les cartes postales que vous avez étudiées de 1890 à 1930. Et pour la belle époque, en tout cas pour le tournant du siècle, les années 1890-1900, c'est intéressant, on comprend bien qu'elles sont en marge, ces femmes. Elles sont un peu utilisées comme un objet de curiosité, mais malgré tout, elles permettent d'ancrer dans l'esprit l'idée que les femmes peuvent prendre des métiers d'hommes. Ces images sont importantes, même si on s'en moque, eh bien, c'est quand même les femmes qui ont gagné dans cette histoire-là. Elles ont démontré que les métiers d'hommes qu'elles exerçaient déjà, elles peuvent vraiment le faire et que ce soit admis. Et nous allons continuer avec les images, vous allez le voir, mais cette fois-ci, nous allons faire un tour à la Maison Populaire de Montreuil. Là aussi, pour étudier des images liées au commerce. C'est un peu ce que vous avez étudié aussi. Ce ne sont pas des cartes postales, mais avant, nous allons écouter Karen qui, au cœur des années 1960, nous rappelait qu'il faut du fric. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Faut du fric, mon ami. Le fric, c'est tout ce qui compte aujourd'hui. Si tu n'en as pas, tu peux crever. Personne ne viendra t'en apporter. Faut du fric pour se faire respecter. Faut du fric pour se trouver une moitié. C'est fini, le prince et la bergère. Aujourd'hui, c'est la vente aux enchères. Que tu sois sans scrupules, que tu sois une crapule, si tu as de l'oseille, on se bouchera les oreilles. Faut du fric, mon ami. Le fric, c'est tout ce qui compte aujourd'hui. Avec ça, on te pardonnera tout. Ton casier judiciaire, on s'en fout. Oui, le fric, ça vous donne la beauté. Même si on est moche à en pleurer. Un compte en banque bourré de liquide, c'est un fer à repasser sur les rites. Si tu sucres les fraises, fais-le avec du pèse. T'auras une auréole tout autour de la gueule. Puisqu'aujourd'hui, tout est pourri, à tout prix, faut trouver du grisby. On s'en moque si tu as de la valeur. L'important, c'est ce qu'il y a au compteur. Aujourd'hui, tout s'achète, tout se vend. Les situations et les sentiments, c'est la corrida des impudiques. Et c'est partout la même musique. Pour ma part, je préfère la liberté et dire merde à toute la société. Karen en colère qui chante Faut du fric, une pépite de la discothèque de Radio France dans le cours de l'histoire. Une émission réalisée par Perret Legras avec aujourd'hui à la technique Florent Bujon. Nous partons donc à la Maison Populaire de Montreuil avec vous Marie-Cor et vous Vladimir Deboul. Déjà, faut rappeler le projet de cette Maison Populaire de Montreuil, Marie-Cor. Oui, donc la Maison Populaire de Montreuil est une maison qui a une cinquantaine d'années aujourd'hui et donc qui est une maison de quartier où on peut venir donc faire des activités diverses et variées, poterie, sport, musique, chant, enfin voilà un peu tout ce qu'on veut. Et du coup, il y a une trentaine d'années, la maison s'est un peu transformée en proposant du coup un projet artistique, donc un centre d'art contemporain qui joue le rôle d'entrée dans cette maison où donc les 2500 adhérents de la Maison Populaire vont traverser du coup ces expositions pour aller faire leurs activités. Voilà. Non, mais c'est le projet qui nous intéresse tous, hein, toujours comment la culture arrive à parler au plus grand nombre et comment on accède facilement à la culture. Et c'est dans cette Maison Populaire de Montreuil qu'il y a cette exposition. Ici sont les dragons. Mais dites-nous, Vladimir Demoule, que viennent faire les dragons dans cette histoire? Donc ça, c'est le titre effectivement du cycle d'exposition. Ici sont les dragons, c'est la traduction littérale d'une locution latine, Ixum Dracones, qu'aurait figuré sur des cartes au Moyen-Âge pour désigner un peu les terres inconnues, si lointaines et mystérieuses qu'on pourrait y trouver l'animal mythologique. Et je dis en l'occurrence aurait figuré puisqu'on ne la retrouve sur aucune carte à proprement parler, mais seulement sur un globe qui est le globe de Lennox Hunt qui date du début du XVIe siècle. Et donc il y avait à la fois cette phrase qui appelait tout de suite à la fiction avec les dragons et qui en même temps elle-même avait une composante fictive, d'autant plus que ce serait plutôt une indication zoologique sur la présence de dragons de Komodo en Asie du Sud-Est, et qu'on retrouve également la phrase « ici sont les lions, ici naissent les éléphants, ici sont les scorpions ». Donc même c'est la présence de l'animal mythologique est elle-même fictive. Donc il y avait cet appel à la fiction tout de suite qui nous intéressait énormément. Et donc dans ce projet artistique « ici sont les dragons », il y a 3 étapes. Alors première étape, parce que nous le valons bien. Alors, nous le voulons bien. Nous le valons bien. Nous le valons bien. Parce que donc c'est un détournement d'un slogan d'une marque de cosmétiques assez connue. Dans ce jeu-là, nous avons une deuxième étape. Venez comme vous êtes. Là aussi, c'est un fast-food qui a ce slogan-là. Quel était votre désir en terminant avec juste fais-le ? Ça, c'est une marque de vêtements et de chaussures. Quel était votre désir en détournant ces slogans, Marie-Cor ? C'est vrai que vu qu'on s'attaque avec ce cycle donc au mythe du capitalisme mondialisé, qui sont principalement véhiculés par la publicité, on a voulu donc déjà ça a été compliqué de choisir des axes, en tout cas pour rentrer dans ce propos qui est très large, et donc on s'est intéressé au mythe bourgeois, donc Roland Barthes évoque dans ses mythologies, donc au milieu des années 50, et dans lequel il déconstruit par le langage, et donc aborde la question du langage publicitaire, donc ce qu'il appelait à l'époque les mythes bourgeois. Donc on s'est inspiré donc de son travail pour le nôtre, du coup. Vous avez très bien fait. Écoutez, Marie-Cor, ça tombe très bien parce que ce matin, dans le cours de l'histoire sur France Culture, Roland Barthes est présent avec nous. En vérité, il est dans l'émission Lecture pour tous en mai 1957 et Roland Barthes nous parle, à propos de ses mythologies, du plastique. Le plastique, bien avec était également très frappé par l'aspect magique que la publicité, n'est-ce pas, donne par exemple à cette substance. Je me rappelle avoir eu une exposition de plastique aux Galeries Lafayette où il y avait un grand appareil tubulaire très compliqué. À un bout, on enfournait des sortes de matériaux, de minéraux verdâtres et rosâtres, et en une seconde, à l'autre bout, sortait un cendrier tout fait, n'est-ce pas, comme si on se trouvait devant une transformation magique, presque une opération de sorcellerie sur la matière. Oui. Vous ne pensez pas aussi que ce qui fait peut-être ce qui caractérise la puissance magique du plastique, c'est qu'il ment et que son aspect extérieur ne ressemble pas du tout à ce qu'il est à l'intérieur. Moi, j'ai souvent été frappé par un objet en plastique cassé, par exemple. Ça ressemble à de la ficelle ou à du carton, n'importe quoi, mais ça ne ressemble pas à ce qui est à l'extérieur. Absolument. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que ça fait des jouets très peu poétiques. Hein, parce que quand ils sont cassés, ils ne sont plus du tout beaux. Roland Barthes qui nous parle du plastique en 1957. Il y a quelque chose un peu magique dans ce que Roland Barthes raconte autour du plastique. D'ailleurs, ça correspond à « Ici sont les dragons », c'est le titre du catalogue aussi. Donc, en 3 étapes, on va dire, parce que dans ces 3 étapes, parce que nous le valons bien, c'est le corps, l'objet corps, l'étape comme vous êtes, il y a un peu de circulation, venez comme vous êtes. Et là, dans cette étape, juste fais-le, Vladimir Demoule, c'est quoi un peu la démarche, l'idée? Qu'est-ce que vous attaquez? Alors, plus précisément, pour revenir juste aux 2 précédentes expositions, parce que nous le valons bien, c'est le corps, mais c'est aussi et surtout le corps de la femme, puisqu'on parlait tout à l'heure des afficheuses, du corps de la femme à la fois comme objet de consommation et comme outil de production. C'est ça qu'on a essayé de travailler dans cette première exposition. Dans la deuxième, c'est effectivement une tentative de cartographie des circuits de la mondialisation, dont la définition académique, c'est la libre circulation des biens, des capitaux et des personnes. Donc on montrait des projets d'artistes qui se demandaient si tout ça circulait aussi bien que ça, et qui faisaient le constat que les biens et les capitaux circulent très bien, mais sans qu'on sache par où, alors que les personnes circulent très mal, mais qu'on sait à peu près par où elle meurt. Et donc dans cette troisième exposition, juste fais-le, on se posait la question de l'usage de tous ces biens qu'on produit et qu'on transporte dans le monde entier. Et puis la question du faire, puisque dans l'injonction juste fais-le, just do it, le complément d'objet est complètement neutralisé. Normalement, faire, c'est un verbe transitif qui appelle à un complément. Et aujourd'hui, dans le langage libéral, on constate que ce complément disparaît. Ce qui est important, c'est de faire, peu importe ce qu'on fait, tant qu'on fait, et que c'est faire pour faire. Donc il y avait un peu cette question-là qui nous intéressait particulièrement. Et puis du coup, de discuter aussi donc de ces véhicules des mythes du capitalisme que sont les images, les slogans. Voilà, et dès lors, vous faites appel à des artistes, l'un et l'autre, en tant que commissaire d'exposition. Alors, Vladimir Demoule, Marie Corr, comment on construit une exposition où l'on va parler des marques et des slogans sans faire, en vérité, la promotion de la marque et du slogan, parce que le seul but de ces entreprises, de ces multinationales, c'est qu'on parle d'elles. Donc, peu importe de la manière dont on parle. Donc, comment on se réapproprie cette chose-là sans se faire piéger ? Marie Corr. Vous dites, c'était le piège. Non, mais c'est vrai que c'est très dangereux. C'était le piège, justement. Je pense que de l'aborder frontalement avec, en utilisant leur langage, donc de ces multinationales, donc en utilisant les slogans de publicité comme titre d'exposition et même esthétiquement. Donc, on a eu aussi des scénographies très variées sur chacun des chapitres de ce cycle avec beaucoup de couleurs, beaucoup de choses, on va dire, attrayantes qui bougent, mais qui vont attirer le regard et particulièrement le public de la maison populaire pour aborder un propos beaucoup plus profond derrière et voilà, donc jouer avec leur propre code, jouer sur leur propre terrain de jeu. Jouer sur leur propre terrain de jeu, jouer avec leur propre code pour les décoder en vérité. Quel est le décodage que vous tirez d'une démarche artistique qui porte sur le discours, en fait, allez, je simplifie, du capitalisme? Alors, les artistes vont pas forcément directement essayer de décoder un discours. Ils vont essayer de détourner des images. Pour nous, ce qui nous intéressait, c'est donc qu'on est parti de Roland Barthes, mais aussi du travail d'Ursula Le Guin, qui est une autrice de science-fiction américaine, qui est morte l'année dernière, et qui a, au-delà des romans qu'elle a pu écrire, elle a écrit un certain nombre d'essais, dont un qui s'appelle « Pourquoi les Américains ont-ils peur des dragons ?» Elle retrouvait le dragon aussi, dans lequel elle oppose deux sortes de langages, qui sont d'une part ce qu'elle appelle le langage diurne, le langage du jour, qui est un langage qui assèche l'imaginaire et le monde, et dont pour elle, l'expression ultime, ça va être la lecture des cours de la bourse en direct, et à ça, elle oppose le langage de l'imaginaire, qu'elle appelle le langage de la nuit, et qui a lui vocation à étendre le monde, à le rendre plus vaste, infini presque, pour qu'on puisse y trouver matière à vivre, matière à penser et à progresser dans nos vies. Et donc c'est plutôt ça, je pense, que essayent de faire les artistes, c'est-à-dire de faire une prise de judo à ce langage du jour pour essayer, eux, de proposer une vision poétique qui vient nous emmener loin, quoi. Et d'ailleurs, on va avoir tout de suite un extrait. Alors c'est toujours dur à la radio de dire on va montrer des choses, mais on y arrive toujours. C'est un extrait de The Stanley Parable qui est exposé à la Maison Populaire de Montreuil. Juste fais-le, ça c'est l'exposition. This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons to keep the office. Orders came to him Oh, come now. You don't want it to end already, do you? Why don't we begin again? C'est Stanley Parable, donc exposé à la Maison Populaire de Montreuil. Donc c'est un jeu vidéo, en fait, c'est un détournement de jeu vidéo de David Warden. C'est quoi la démarche, en fait? C'est quoi l'idée? Là, c'est tout est jeu vidéo, et j'aime bien si tu as un jeu vidéo où, en fait, il n'y a rien à chercher, il n'y a pas vraiment de quête. Non, pas du tout, en fait. Il n'y a pas de but à proprement parler. Et effectivement, alors déjà, David Reading se sert du moteur d'un jeu vidéo qui s'appelle Half-Life, qui a été un grand carton commercial, c'est un blockbuster, pour lui faire une toute petite forme, très intime, et il utilise justement les codes de cette industrie, qui est maintenant la plus grosse industrie culturelle au monde, pour essayer de raconter autre chose, et de faire autre chose, et de parler de ce qu'est cette industrie, en proposant aux joueurs, en donnant l'illusion aux joueurs qu'il peut faire ce qu'il veut dans ce jeu, qui est la promesse que font la plupart des industries en général, qui est de dire devenez qui vous voulez être, soyez qui vous pensez, et il essaye de démonter ça justement en proposant un faux pouvoir d'être qu'on comprend au fur et à mesure, en se rendant compte qu'en fait tous les chemins qu'on peut emprunter dans ce jeu, puisqu'il s'agit de ça, d'essayer de de contrecarrer le jeu ont déjà été prévues, forcément, puisque c'est un jeu vidéo, donc tout est construit et donc tout est déjà là dès le début. Il y a une réflexion autour de la création d'une œuvre, il y a une réflexion, vous êtes l'un et l'autre commissaire d'une exposition, autour de la création d'une exposition, et puis, malgré tout, ça reste de l'art. Il y a un aspect artistique, esthétique de la chose, et c'est important aussi parce que, alors j'utilise un mot très simple, mais les images, les créations sont très belles. Et c'est cet aspect aussi séduisant que l'on va retrouver en fait dans la publicité et dans le capitalisme. Mais c'est très beau ce que réalisent ces artistes, Marie-Cor. Oui, c'est très beau. Alors, esthétique, dans le cadre d'un jeu vidéo, la question était intéressante puisque le jeu vidéo est assez critiqué aussi aujourd'hui. Et donc, le proposer dans une place, dans une exposition en tant qu'œuvre d'art, c'était assez intéressant. Et surtout, de le mettre en regard avec d'autres œuvres qui, pour le coup, elles sont reconnues comme œuvres, puisque, voilà, démarche artistique et esthétique derrière. Donc, le langage, voilà, se crée comme ça à travers, les œuvres qui se répondent de par leur forme et de par leur propos. Avec quelque chose d'inépuisable, parce que vous trouvez sans cesse, chaque jour, ne serait-ce que par les publicités que l'on trouve, mais on ne peut pas y échapper dans le métropolitain, dans la rue, n'importe où, on trouve en fait sans cesse des sources d'inspiration, car le capitalisme ou la publicité soutenue par le capitalisme produit des œuvres d'art, parce qu'il faut le dire, en tant que tel, le capitalisme produit de l'art. Il y a cette mise en abîme étonnante sans cesse à laquelle vous êtes confronté, Vladimir Demoulin. Il produit de l'art, il embauche des artistes, il vend des œuvres d'art, il en achète effectivement. Et puis même maintenant en circuit fermé, puisque, alors c'était un travail qu'on montrait dans la deuxième exposition, mais aujourd'hui, puisque les œuvres d'art sont défiscalisées, elles deviennent un investissement et donc on les achète pour payer moins d'impôts et ensuite on va les mettre dans un coffre-fort en Suisse ou à Singapour parce que du coup, dans des ports francs où elles seront plus jamais taxées, c'est un investissement quoi. Voilà, mais ça, c'est pas une surprise non plus que les artistes aient besoin d'argent. Non, il y avait le mécénat. Non, mais c'est vrai. Non, aux artistes. Voilà, les non, artistes, c'est pour ont ça. Besoin de manger. Ça, c'est... Voilà, c'est vrai. Non, mais c'est quelque chose qu'on entend souvent. Mais c'est le jeu et c'est comme ça et ça a toujours été comme ça. Oui, mais surtout les artistes qui vendent beaucoup et dont on parle beaucoup, c'est 1% des artistes. Ça concerne vraiment très très peu d'artistes. Quoi. Voilà. Bah, en tout cas, faut continuer à regarder l'art, à vivre d'art, à aller à la Maison Populaire de Montreuil. Le 13 décembre, c'est la soirée de vernissage de l'exposition. Le finissage, pardon. Oui, ce serait dommage de commencer par la fin. Ici sont les dragons, donc c'est l'épisode 3 sur 3. Juste fais-le. Mais il est l'heure, dans le cours de l'histoire, de retrouver une artiste, authentique artiste. C'est Anaïs Quien et son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, dans le journal de l'histoire, profs et étudiants des grèves qui ont une histoire. La grève et la manifestation de demain contre la réforme des retraites verront descendre dans la rue de nombreux services publics, tout le monde est au courant, nombreux services publics et corps de métier, et parmi eux, les enseignants et les étudiants. La plateforme Actuel Moyen-Âge, collectif activiste de diffusion de la recherche en histoire médiévale, toujours aux aguets, propose d'explorer ces deux statuts et leur apparente actualité. Aujourd'hui, on était très nombreux devant tous les Crous de France à dire notre rage, contre ce système qui nous dit « Mettez-vous en concurrence, soyez sélectionnés, essayez de faire mieux que vos camarades à côté, essayez en fait d'écraser celui qui est à votre table à côté dans votre classe. » Et tout ça pourquoi ? Tout ça pourquoi ? Alors qu'on n'a même pas de bourse, alors qu'on n'a même pas de logements sociaux. Tout ça pour que quand on finisse nos études, on soit à 25% au chômage. Les mouvements d'indignation se sont faits nombreux après l'immolation d'un étudiant devant le Crous de Lyon le 8 novembre et le thème de la précarité étudiante a pris place dans les débats publics. Le gouvernement a réagi en annonçant le gel des loyers dans les résidences universitaires en 2020. Actuel Moyen-Âge publie un article pour rappeler que la dèche étudiante n'a rien de nouveau. C'est une constante dans les politiques publiques et dans la violence sociale qui leur sont appliquées. Une fois payés les frais d'inscription, cela concerne un petit nombre d'élus, c'est toujours le logement qui pèse sur les budgets. Les étudiants venus de province à Paris sont en proie aux lois du marché locatif. À tel point qu'en 1310, le roi Philippe le Bel interdit les tarifs prohibitifs appliqués à cette population en matière de logement, mais aussi en ce qui concerne le tarif des denrées alimentaires. Manger des pâtes, peut-être pas au XIVe siècle, mais la poésie médiévale s'empare volontiers des ventres vides de ces corps, venus s'instruire au risque de leur confort et de leur santé. Tous ne font pas la tournée des tavernes en compagnie de leurs camarades, les inégalités sociales s'expriment à l'université et s'accompagnent de mesures vexatoires pour les boursiers qui existent déjà aussi, privés de leur droit de vote dans les assemblées étudiantes, au motif qu'ils ne financent pas eux-mêmes leur scolarité. Comme aujourd'hui, être étudiant sans patrimoine, c'est en baver. Un rituel de passage considéré comme normal, rien de neuf de ce côté-là. L'imagination n'est toujours pas au pouvoir concernant le statut des étudiants. C'est un renfort de circonstances inattendues et finalement bienvenue. Quand les syndicats d'enseignants et les parents d'élèves reçoivent le soutien d'une poignée de gilets jaunes, le dénominateur commun est tout trouvé, haro sur la politique du gouvernement. Ce matin donc, c'était non au projet de loi Blanquer, non à cette école de la confiance qui n'en inspire guère aux personnels éducatifs, eux qui s'estiment mis de côté à l'heure des réformes. Les enseignants, eux aussi, s'apprêtent à descendre dans la rue demain pour protester contre la réforme du régime de retraite et dans la queue de comète des protestations virulentes du printemps dernier contre la politique de leur ministre Jean-Michel Blanquer. Actuel Moyen-Âge toujours, nous propose le récit de la première grève couronnée de succès en 1229. Il y a 790 ans, les maîtres de l'université de Paris en théologie inventent donc la grève pour protester contre la mort de plusieurs étudiants sous les coups des forces de l'ordre. Très éméchés, les étudiants concernés avaient saccagé une taverne, l'ordre avait été rétabli au prix de leur vie. Tous les professeurs cessent de faire cours et menacent de quitter la ville, un coup dur porté au prestige de cette même ville, parce qu'au XIIIe siècle, l'université est un fleuron prestigieux pour toutes les villes qui en accueillent. Et oui, cette grève dure 2 ans. C'est le pape Grégoire IX qui transpire en tant que médiateur avec le pouvoir royal, mais reconnaît aussi le droit de grève qui devient une arme de dissuasion très efficace pendant plusieurs siècles pour faire valoir l'avis des professeurs dans leurs débats avec le pouvoir politique. Merci beaucoup Anaïs Kien. Oui, c'était intéressant de rappeler l'existence de cette grève médiévale qui a duré 2 ans. L'invention. L'invention d'une grève d'étudiants. 2 ans. Waouh, 2 ans, c'est pas rien. On retrouve tous les liens vers les articles d'Actuel Moyen-Âge sur la page du journal de l'Histoire. C'est sur franceculture.fr. Juliette Rennes, vous avez écrit « Femmes en métier d'hommes », carte postale 1890-1930. Nous parlions à propos de l'exposition « Juste fais-le ». Enfin, ici sont les dragons à la Maison Populaire de Montreuil, avec Marie Cor et Vladimir Demoule. Merci beaucoup de ces femmes représentées. En 2 mots, vous en pouvez plus, j'imagine, aujourd'hui, de regarder la publicité, toutes ces femmes représentées, l'utilisation de la femme, en fait. On pourrait faire des tonnes de cartes postales encore. Oui, ce que j'ai essayé de comprendre dans cette époque, c'est aussi comment des figures féministes de femmes en métier d'hommes pouvaient être récupérées par les industries culturelles et par la culture visuelle dans un but de profit. Et évidemment, ce processus-là se retrouve aujourd'hui. C'est pas seulement les usages du corps féminin en général, mais même y compris de figures féminines, féministes, l'usage de la garçonne ou les défilés de mode avec des pancartes féministes par Lagerfeld, par exemple, sur des podiums, fait qu'il y a toujours des menaces qui pèsent sur les récupérations capitalistiques des idéologies progressistes. Merci beaucoup, Julia Trent, pour cette conclusion dont on avait besoin dans le cours de l'histoire. Une émission préparée par Marion Dupont, à Toscane Viudès, Camille André, Alice Rouet. Demain, nous parlons histoire et Coran, le Coran des historiens.